conscience. Mais je comprends pas pourquoi nous les Africains on peut pas s'entendre. Moi je vois que l'Afrique c'est une parcelle divisée en mini parcelles. Et comme la parcelle est divisée en mini parcelles, normalement la musique affronte les frontières, casse les barrières. Et nous les hommes on doit s'entendre. Mais pourquoi y a la séparation comme ça? Pourquoi se disputer pour un morceau alors que nous sommes nombreux pour manger ce morceau? Yeah! Moi j'aime. En Afrique on trouve les belles femmes. Que tu vas aux Antilles, que tu vas partout, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, tu as tout ce qu'il faut. Pourquoi ne pas être ensemble? Moi quand je suis au Congo, c'est chez moi. Si je me trouve au Gabon, c'est chez moi. Si je me trouve à Cameroun, c'est toujours chez moi. À Côte d'Ivoire, là-bas c'est chez moi. Partout je me trouve. Même si je suis en Angola, l'Angola c'est chez moi. Pourquoi mettre la barrière alors que nous aimons? Moi je vois surtout les belles femmes. Attendez, je vais chanter pour les femmes. Pour mes femmes de l'Afrique. La femme congolaise, c'est ma très belle. La femme ivoirienne, c'est ma très chère. La femme malienne, vraiment j'adore. La femme togolaise, vraiment je t'aime. La femme angolaise, vraiment je t'aime. La femme antillaise, vraiment je t'aime. La femme zaïroise, vraiment j'adore. La femme centrafricaine, assez moi la hélone. La femme est congolaise, vraiment tu es chez toi. La femme est ivoirienne, vraiment j'adore. La femme est malienne, vraiment je t'aime. La femme est camerounaise, en tout cas c'est moi là aussi, elle est long, hein. Vraiment tu es chez toi, vraiment j'adore. Levez les bras, levez les bras. Quand on danse les bras, levez, c'est bon. Oh ma femme, entoure-moi ce pan-là. Je vais danser tout autour des fesses. En tout, vraiment j'adore. Assez.